Le testament du dilettante, nouvelle du XVIe siècle, d'Eugène Ressaut-Saint-Hilaire. Chapitre 1er. En 1525, par une belle et froide soirée de décembre, un bal réunissait dans la Casa Montecatini tout ce que Luc renfermait d'élégants cavaliers ou de femmes jolies. La fête était brillante, la société nombreuse et surtout bien choisie. Pas une bourgeoise de Luc, pas une de ces gracieuses citelles, au voile blanc rabattu sur le grand yeux noir, ne flétrissait de son contact plébéien les nobles danseuses dont les pieds glissaient sur les dalles de marbre. Les dandies de l'époque, qui circulaient dans les salons avec leurs costumes bigarrés, comme un essaim de guêpes au svelte corsage, au joyeux bourdonnement, pouvaient sans crainte de déroger butiner de fleur en fleur. Le moindre cœur qu'ils pouvaient effleurer était celui d'une simple baronessa, dernier degré de la noble échelle, dont l'illustre famille de Montecatini occupait presque le fait. Les salons de la Casa étaient dignes de leurs hôtes. Les lourds et riches appartements d'un hôtel parisien au XVIe siècle, où les prodiges que le génie artiste d'un tapissier de nos jours s'est enfanté dans un salon de la Chaussée d'Antin, n'y ressemblent pas le moins du monde. Un bal dans l'Italie moderne peut seul en donner une idée. Qu'on se figure un de ces vastes palais que leur maître ose à peine habiter, et qu'il semble avoir bâti pour l'étranger, plus curieux que lui des merveilles qu'il renferme. Les vastes salons sont ouverts aux 700 ou 800 mortels privilégiés que la mode et l'étiquette ont admis dans ce palais d'Armide. Le propriétaire a quitté l'entresol plus modeste, où il se relègue d'ordinaire, pour jouir du coup d'œil imposant de ces galeries, vivantes de la foule qui se presse deux fois l'an sous leurs voûtes solitaires. Les lustres étincellent, les bougies répandent sur le front des femmes leur tiède et douce clarté, les parfums fument dans des trépieds de bronze déterré de l'abeille, et qui ont peut-être servi à la toilette embaumée d'une Lalagée ou d'une Cintille. Entre chaque fenêtre, au lieu de ces tristes tentures qui donnent aux prosaïques salons affligent l'œil de leur nudité, une colonne antique, une statue, fruste encore comme la médaille à peine exhumée, un candélabre d'airain trouvé dans les ruines de quelque temple romain, prête à ces solennités mondaines je ne sais quel air d'élégance païenne et de vénérable antiquité. Là, tous les arts ont épuisé leur prestige, tous les siècles ont payé leur offrande. Le génie moderne lutte avec le génie ancien. Le ciseau d'un Michel-Ange ou d'un Canova rivalise avec celui de Phidias. L'Italie de nos jours a deviné l'Italie d'autrefois. La peinture, cette muse chrétienne, venge la sculpture moderne de son infériorité. La fresque vit, parle, respire sur ces murs animés par le génie des Véronèses, des Caraches et des Sodomas. Toutes les écoles, tous les âges de la peinture italienne ont envoyé leur tribut à cette fête, où le plaisir même emprunte aux arts une pensée plus haute et moins frivole. Ces femmes qui glissent, bondissantes et légères, à côté de ces divinités de la Grèce, qu'on dirait descendues de leur piédestal. Cette musique, vive et perçante comme le chant de l'alouette, mêlant sa joyeuse harmonie à ce concert de tous les arts, à cette fête de tous les sens, jusqu'à ce frémissement confus, ce sourd bourdonnement qui s'échappe de tous ces êtres animés d'une seule pensée, celle du plaisir, tout porte dans les sens une vague et insoucieuse ivresse, un entraînement irrésistible dont le plus sage a peine à se défendre. Les leçons austères de la philosophie, les liens même de la morale, semble se détendre au milieu de cette atmosphère tiède et énervante, de ce bain de volupté où l'on plonge tout son être. On ferme à demi les yeux, on n'écoute plus, mais l'on entend encore cette musique lointaine qui vous berce, ces sons confus qui vous arrivent ou ne sait d'où, qui vous entrent par tous les pores. On voit passer comme les vagues images d'un rêve, ces formes gracieuses et indécises qui se pressent devant vous, qui vous caressent, qui vous sourient, et l'on songe, sous le même ciel qui inspirait Horace et Tibulle, à cette philosophie si douce, si commode, à celle qui résume l'existence dans deux mots, aimer et jouir. Reculez cette scène de quelque 300 ans, et vous aurez une idée du spectacle qu'offrait en 1525 la Villa Montecatini. Si les marbres de Canova ne décoraient pas ces salons, les fresques de l'école lucquoise pouvaient au moins soutenir le parallèle avec celle des Raphaël modernes, et les modes de cette époque, bien mieux calculés pour faire valoir la disinvoltura d'une danseuse, laissaient de bien loin derrière elle la grâce empesée des modes de nos jours. Comme aujourd'hui cependant, le plaisir approchait tous les âges, tous les rangs, et effaçait les barrières qu'élève d'ordinaire la réserve des femmes ou la jalousie des maris. Il pouvait être minuit. L'heure de l'étiquette était passée. Celle de la joie avait commencé. Les chevelures tombaient déjà plus flottantes et plus dégagées sur les gorges palpitantes. La collerette envieuse abaissait devant le souffle tiède des danseurs son rempart de gaz et de vertu empesée comme elle. Les regards des amants, devenus moins timides, commençaient à se répondre en dépit des yeux jaloux, déjà fatigués de veiller, et des mains attirées l'une vers l'autre osaient se rencontrer à travers le dédale capricieux des danses. Un seul homme restait triste au milieu de toute cette joie. Son visage sombre, détaché sur le marbre d'une statue, à peine plus immobile que lui, faisait un pénible contraste avec tous ces visages animés par le plaisir. Ses vêtements étaient simples, trop simples même à côté de cette foule frivole et dorée qui papillonnait autour de lui. Aussi les regards dédaigneux des hommes s'arrêtaient-ils à peine sur ce pourpoint modeste, sur ce manteau uni dont les couleurs sombres semblaient une livrée de deuil au milieu de tous ces habits de fête. Parfois, cependant, quelques regards de femmes s'arrêtaient sur cette tête pâle mais noble, sur ces yeux creusés et amaigris mais étincelants du feu du génie, sur ces boucles noires qui retombaient en désordre sur un front d'artiste ou de poète. Mais bientôt, un sourire de cette pitié qui fait mal et un « povero disgraziato » prononcé à demi-voix attirait la rougeur sur les joues du jeune homme et le trait acéré était au fond de son cœur sans que la main qu'il avait lancée se doutât même du mal qu'elle avait fait. La plus amère de toutes les solitudes, c'est celle d'un salon. Quand nulle pensée d'homme ne répond à la nôtre, nul cœur de femme à notre cœur, nul regard à notre œil qui cherche un œil ami. Ajoutez à cet isolement si profond ce sentiment d'infériorité qui vient non pas de l'âme mais de l'habit, qui condamne le génie ignoré à se sentir humilié et petit devant le sot titré qu'il envie et méprise à la fois, et de cette solitude vous pouvez faire une torture. Telle était celle qu'éprouvait l'étranger, son front mobile, pâlissant et rougissant tour à tour, ses lèvres convulsivement agitées, ses narines toutes gonflées du dédain qu'il n'osait exprimer, tout trahissait son angoisse secrète, et pourtant il restait là, exposé en plein à tous les regards, comme s'il eût voulu les défier. Il restait là, étalant sa pauvreté écrite en guise d'enseigne sur son humble manteau, comme son génie sur ce front où personne ne daignait le lire. Il restait là car c'était pour lui, pauvre et dédaigné comme il l'était, une ineffable volupté de sentir ses robes de femme qui l'effleuraient en passant, elle, noble, lui, plébéien, complaisant modèle qui venait poser, sans s'en douter, devant son œil d'artiste. Mille ravissantes créations, moitié réalité, moitié mensonge, passaient devant ses yeux et se gravaient dans son âme en attendant le pinceau. Lui, le pauvre peintre sans nom, l'élève ignoré de Raphaël, il était là, foulant aussi, comme tous ces nobles orgueilleux, des tapis moelleux, se heurtant à chaque pas à deux gracieuses créatures qui respiraient le même air que lui, qui oubliaient un instant que le contact du pauvre souille, qu'il donne la peste, comme celui du lépreux. Enfin, le jeune homme se retourna, et fendant dédaigneusement cette foule qui s'entr'ouvrait devant lui, comme des brahmines devant un paria, il se réfugia dans le coin le moins éclairé du salon. Là, dans un renfoncement obscur que garnissait de ses moelleux coussins un divan circulaire, une madone de Raphaël semblait s'être réfugiée aussi, cherchant comme une niche d'église un abri contre de profanes regards. Un calme ineffable régnait sur cette céleste figure. Son œil chaste et tendre, reposé sur son fils avec une de ces joies de mère qui n'ont pas de parole, souriait à sa divine enfance. Il y avait de la douleur dans ce sourire et des larmes dans cette joie. Une mère terrestre n'eût pas ainsi regardé son fils. Le problème était résolu, le génie avait traduit le mystère sur sa toile. Marie était vierge et mère tout à la fois. Cette vue fit du bien au jeune homme, et lui aussi, il était peintre. Il le sentit en contemplant ce tableau merveilleux qui l'emportait si loin du bal et du mépris des hommes et de leurs orgueilleuses joies. Ce Raphaël ignoré comme lui, eh bien, des papes avaient posé pour lui, et le modèle avait fait sa cour au peintre. Des rois avaient brigué l'honneur de vivre encore sur sa toile quand eux et leur couronne seraient rongés des vers, et un sourire de femme l'avait inspiré mieux, bien mieux qu'un sourire de roi. La Fornarina avait été sa muse, son génie. Heureux Raphaël. Et soudain le jeune homme, le peintre ignoré, se mit à haïr son maître d'une de ses bonnes et vigoureuses haines d'artiste, d'une haine qui eût fait plaisir à Raphaël jusque dans son tombeau. Il regardait, il détaillait, avec l'envieuse admiration d'un rival, ces abîmes de génie qu'un artiste seul peut voir dans l'œuvre d'un grand artiste. À chaque instant, de nouvelles beautés jaillissaient pour lui de cette toile vengeresse, qui était là pour son supplice, qui vivait, qui parlait, qui avait une voix pour lui dire « Tu n'en feras jamais autant ». Son cœur était gros, ses dents se serraient, son poing fermé semblait menacer son ennemi. Son maître, mort, hélas, mais dont l'œuvre immortelle vivait pour son supplice. Enfin, il n'y tint plus, et soulageant sa haine par une solennelle imprécation, « Maledetto Sanzio » s'écria-t-il à demi-voix, « Che ti colga la saeta !»« Malheureux, blasphémé ainsi le dieu de la peinture !» s'écria derrière lui une voix presque aussi animée que la sienne. Il se retourna un peu confus, un homme était à ses côtés. C'était une de ces fines et perçantes physionomies de vieillard qui laisse voir à jour, sous une peau transparente, le jeu des muscles et des nerfs, et comme un vieux saule rongé des ans, semble ne plus vivre que par l'écorce. Une de ces organisations passionnées d'artistes, où la lame, comme on dit, a usé le fourreau, et où, hormis une seule sensation, l'homme est mort à toutes les autres. Mais aussi, dans cette sensation-là, il a concentré toute une vie. S'il n'a plus qu'un sens, il existe par celui-là seul autant que par tous les autres. C'était enfin, et le jeune homme le reconnut de suite à son geste, à son exclamation, à son regard, à cette sorte de franc-maçonnerie d'atelier dont nous autres profanes n'avons pas le secret, c'était un dilettante. Un dilettante! Il faut avoir vécu 10 ans en Italie pour comprendre tout ce que ce mot veut dire. L'habitué du balcon des bouffes, qui se pâme en mauvais italien à l'instant où le connaisseur se tait, l'oracle de galerie qui élabore péniblement devant chaque tableau la pointe prétentieuse qu'il appelle un jugement, n'ont pas l'idée du long et dur noviciat qu'il faut en Italie pour arriver à ce titre. Une seule passion, une seule idée, avait rempli la vie du marquis Cadri, c'était la peinture. Une fortune immense, de longs et assidus travaux, une vie d'homme, enfin, avait été dépensée par lui, ou plutôt immolée à cet art qu'il idolâtrait. Les femmes, il les avait aimées. Quel Italien, en effet, n'a payé son tribut, dans ce climat de feu, à cette passion qui dévore en germe tant de nobles facultés, tant de hautes intelligences. Mais l'hommage du marquis ne ressemblait pas à celui des autres. Personne, même en Italie, n'eût aimé une femme comme lui, avec cette sorte de culte, d'idolâtrie fanatique et désintéressée qu'il éprouvait pour la beauté. Une femme, pour lui, ce n'était pas une femme, c'était un modèle animé qui posait, sans s'en douter, et faisait passer devant ses regards 1000 gracieux tableaux que son imagination d'artiste combinait à son gré. La peinture, à ses yeux, c'était un sacerdoce. Un peintre était plus qu'un homme. Un beau tableau, quelque chose de plus qu'un beau poème. Quelque chose de mieux qu'une bonne action. Il croyait presque à la métempsychose au point de voir une âme dans un tableau. Et c'est devant un pareil homme qu'on venait d'insulter Raphaël. « Signor, vous me rendrez raison de cette insulte, » poursuivit le vieux marquis, tandis que le regard étonné du jeune homme le parcourait de la tête aux pieds. C'était en effet une risible colère que celle de ce vieillard, Don Quichotte édenté de la peinture, et qui se faisait champion de Raphaël, prêt à rompre une lance en champ clos pour son dieu qu'on outrageait. Le jeune homme ne put retenir un sourire. « En vérité, signor, dit-il au marquis, je demande humblement excuse à Raphaël et à vous. Mais les injures d'un pauvre écolier comme moi au roi de la peinture n'ont guère plus de bonne foi que celles d'un amant à sa maîtresse. Tous deux reviennent toujours à l'idole après l'avoir injurié. » Le dilettante n'était qu'à demi satisfait de l'explication. « Vous êtes jaloux de Raphaël, jeune homme, » dit-il au peintre, en attachant sur lui son œil défiant, empreint d'une inconcevable finesse d'observation. « Vous êtes jaloux de Raphaël, » répéta-t-il lentement. « C'est bien hardi à vous, bien présomptueux. Il faut que vous soyez un sot ou un homme de génie. » Le jeune homme rougit et ne répondit pas. Mais cette rougeur-là, le vieillard vit bien vite à qui il avait affaire. Un sot se fût fâché d'être appelé par son nom. Un homme de génie n'avait qu'à se taire. « Je vous pardonne, » dit le marquis d'une voix fort adoucie et en tendant la main au jeune homme. Celui-ci ne la prit pas. Il n'avait pas encore fait sa paix avec Raphaël. « Oui, je le hais, » reprit-il enfin avec une expression d'amer découragement. « Je le hais comme moi un rival heureux, qui nous enlève l'objet de notre premier amour. Je le hais comme les réprouvés du Dante haïssent la porte de bronze qui leur a dit « Lasciate ogni speranza, voi che entrate. » Jeune homme, reprit gravement le marquis, quand on a le cœur assez haut placé pour se choisir un pareil rival, on ne le blasphème pas, mais on l'imite. La montagne grandit à mesure qu'on s'en approche, et pourtant pas à pas l'on arrive au sommet. Corpo di Bacco, approcher de Raphaël seulement, c'est déjà plus qu'une ambition d'enfant comme la tienne ne peut se promettre. On l'imite, vous voulez dire, on le copie, et ces mains-là ne se sont-elles pas flétries à reproduire sur une toile morte la toile vivante de Sanzio? N'ai-je pas déjà conquis ce qui serait de la gloire pour un autre? Est-ce qui n'est pour moi qu'un métier dont je rougis, la réputation du meilleur copiste de Raphaël? N'est-ce pas à cet humble talent que je dois, moi, plébéien, de fouler aux pieds les tapis de la noble marquise de Montecatini, qui m'a acheté ma dernière Madone à la Seggiola et l'a fait passer pour une copie faite par Raphaël lui-même? Tout le monde y a été pris, excepté moi, reprit le marquis transporté. Je le lui ai dit, mais elle m'a demandé le secret, sur ma foi de gentilhomme, et je le lui ai gardé, à condition qu'on n'en parlerait jamais devant moi. Ah, c'est qu'on ne me trompe pas facilement, moi. Et le marquis caressa sa vieille moustache grise, et il y avait dans son attitude un orgueil ineffable. Le peintre fut presque tenté de le maudire comme Raphaël, mais il se tut. Il avait peur de cet homme qu'on ne trompait pas, de cet homme qui eût reconnu un Raphaël au toucher, comme un aveugle, au flair, comme un chien de chasse. Ainsi, poursuivit le marquis, vous êtes ce jeune peintre de Sienne, Luca Peni, dont on m'a vanté le talent de copiste. Quel âge avez-vous, jeune homme? 25 ans, et je n'ai rien fait, répondit le peintre en baissant les yeux comme devant un juge. Dans 2 ans, je me tuerai, si je n'ai pas créé un tableau qui soit à moi, ou si ma fièvre de désappointement ne me tue pas d'ici là. Il ne faut pas vous tuer, jeune homme, reprit gravement le marquis, mais vous avez assez copié, il faut créer. Vous avez assez rampé sur la trace des autres. Il faut voler maintenant, et voler de vos propres ailes. Vous avez la fièvre, ajouta le vieillard en saisissant la main de l'artiste qui se laissa faire. Vous êtes malade, mais je connais cette maladie-là. C'est du génie rentré, il faut le faire sortir, autrement il vous tuerait. Plus de copies, entendez-vous? Dès demain, vous commencerez un tableau. Je vous l'achète d'avance. Et croyez-vous donc que j'ai attendu jusqu'à 25 ans pour essayer mon pinceau sur une toile qui m'appartint, qui ne porta pas la livrée d'un autre? Mais ce Raphaël, voyez-vous, je me suis vendu à lui comme à un mauvais génie. J'ai fait un pacte avec lui comme avec le démon. Il me poursuit, il me harcèle, il revient sur mon pinceau comme les traits d'une maîtresse, comme un charme malfaisant que je ne puis rompre. Quand je crois l'oublier, je le retrouve encore tapi dans ma palette, accroupi sur ma toile. Quand je veux créer, j'imite, et ce que j'appelais un original, on me l'achète pour une copie. Le cas est grave, reprit le dilettante en hochant la tête dans l'attitude d'un médecin. Le malade est plus malade que je ne le croyais. N'importe, nous le guérirons. Eh bien, enfant, puisque tu ne peux créer, copie. Copie la nature et laisse ton Raphaël, menteur effronté, toujours plus beau qu'elle. Arrive à l'idéal par la réalité. Au mensonge, par la vérité. Parle. Veux-tu que je te fasse chercher dans toute la Toscane les plus beaux modèles qu'un cerveau d'artiste puisse rêver? J'ai de l'or, il est à toi. Je le sèmerai à pleine main, mais je veux qu'il me rapporte. C'est à l'étudiant que je le prête. C'est le grand peintre qui doit me le rendre. Le jeune homme ne l'avait pas même entendu. Des modèles, répétait-il tout bas, frappé de cette seule idée. Des modèles. Et donnez-leur donc une âme à ces modèles que vous m'achèterez. Dites à ces formes flétries par la débauche, à ces traits décolorés de s'animer du feu sacré des passions que je dois exprimer, des modèles, mais j'ai vu poser devant moi des créatures que Phidias m'eût enviées. Mon œil a étudié, mon pinceau a reproduit des formes que mon imagination d'artiste n'eût pas même devinées. Mais un modèle que je loue, et qui en sortant de mon atelier ira poser dans un autre, de l'inspiration que je paye à tant par heure, demandez à Raphaël si c'est d'après un modèle qu'il peignait ses madones. À moins, Dieu me pardonne, que la mère de notre Sauveur n'ait elle-même posé devant lui. Le marquis était embarrassé. Artiste lui-même, il comprenait ses scrupules du génie, ce dédain religieux d'artiste pour la beauté matérielle, corps sans âme, statue sans vie, lampe d'albâtre sans foyer. voyez cette femme ? Interrompit le jeune homme en montrant du regard une svelte créature dont les pas légers et les poses gracieuses rappelaient celles d'une danseuse d'Herculanum. Animés ces traits charmants de l'expression de l'amour maternel en leur conservant cette empreinte virginale qui éloigne jusqu'à l'ombre d'une pensée profane, penchez cette tête angélique sur un enfant endormi. Conservez sur cette bouche à demi entr'ouverte ce doux et mélancolique sourire d'amour et de tristesse à la fois, et vous aurez une madone, une vraie madone de Raphaël. Et l'homme devant qui s'assoira ce céleste modèle, s'il n'est pas inspiré par lui, n'a qu'à briser ses pinceaux. Celui-là ne sera jamais un peintre. En effet, jamais figure plus aérienne n'avait glissé sur les parquets d'un salon de bal. Jamais danse plus chaste et plus voluptueuse n'avait trahi aux yeux perçants d'un artiste ces formes ravissantes qu'il lui faut deviner sous leur enveloppe de pudeur et de modestie, mais aussi, avec l'expression d'angélique pureté écrite sur ce front de vierge, danser pour une pareille femme, c'était presque un sacrilège. On eût dit qu'elle le sentait elle-même, car ses yeux, timidement baissés, trahissaient une secrète expression de souffrance. Comme une vierge de Sanzio arrachée à son sanctuaire, elle se trouvait déplacée là. Car en rencontrant le regard de feu du jeune homme attaché sur elle, une vive rougeur couvrit ses joues, sa danse devint, s'il était possible, encore plus chaste et plus réservée, et ses yeux ne se levèrent plus sur l'indiscret qui les avait fait baisser. « Oh, faites poser deux fois devant moi un pareil modèle !» s'écria le jeune homme en serrant la main du vieux marquis, dans le paroxysme de sa fièvre d'artiste. « Et c'en est fait, je suis peintre. Le flambeau est allumé pour ne plus s'éteindre. Cette femme-là, ce sera tout pour moi. C'est de la gloire, c'est du génie. La toile, où je l'aurai fait revivre une fois, ne périra plus. » Le marquis ne répondait rien. Le jeune homme se retourna vers lui, car jusque-là, son œil ardent n'avait pas quitté la Madonna Ballerina. Un étrange et indéfinissable sourire pinçait la lèvre ridée du vieux dilettante. Son œil brillait comme celui d'un chasseur qui voit arriver l'oiseau dans le piège. « Bon, » reprit-il enfin avec insouciance, « le peintre ne songerait qu'à faire l'amour à son modèle. » Et en même temps, son œil perçant semblait creuser l'âme de son protégé. Une vive rougeur teignit les joues brunes du jeune homme. « Marquis, vous blasphémez à votre tour, » s'écria-t-il vivement, « vous insultez cette céleste créature en supposant que de grossiers désirs sont tout ce qu'elle peut inspirer. Vous insultez l'art sublime que j'exerce en pensant qu'il a besoin, pour allumer sa flamme créatrice, du vil contact des passions terrestres. Moi, amoureux de mon modèle, pour le salir sans doute, pour le rabaisser au niveau de la fange d'où je veux m'élever, moi, n'être qu'amoureux d'une femme comme celle-là, moi, songer à la posséder, non. Je le pourrais, que je ne le voudrais pas. Je ne voudrais pas flétrir ainsi mon avenir dans son germe, ravaler jusqu'à une prosaïque réalité le céleste idéal qui vient de m'apparaître, clouer à la terre les ailes de l'ange qui veut m'emporter vers les cieux, non, mille fois non. J'aimerais autant barbouiller de lit de vin ce tableau de Raphaël. » Une comique satisfaction, mêlée pourtant encore d'un reste de défiance, se peignit dans les traits du vieux dilettante. Lui seul, en effet, pouvait comprendre cet enthousiasme d'artiste et sympathiser avec lui. Il regarda encore une fois le jeune homme et fut content de ce regard. Le génie avait parlé et cet instinct-là fait taire tous les autres. « Vous êtes digne d'être peintre, jeune homme, » dit enfin le marquis avec une joie grave. « Venez me trouver demain matin à ma villa d'Olivesi. » Le lendemain, un léger calesso, avec un de ses sièges étroits en forme de coquille où une seule personne peut prendre place, traversait, au trot hâté d'un maigre cheval, le riche bassin de la campagne de Luc. Notre artiste y était assis, pouvant à peine contenir dans l'étroite enceinte de son calesso tous les rêves ambitieux qui se pressaient dans sa jeune tête. Rêves dorés, rêves souriants, rêve de gloire et de génie, tel qu'on les fait encore à 25 ans, tel qu'il devrait durer toute la vie. À chaque nouvelle espérance, à chaque jeune ambition qui surgissait dans cette tête de poète, un vigoureux coup de fouet adressé à la triste monture l'invitait à se hâter vers ce magique avenir, et les arbres de la route, en fuyant à côté du voyageur, se succédaient moins rapides encore que les riantes visions qu'un mot du vieux dilettante avait évoqué devant lui. Enfin, au bout de 5 à 6 milles, la ceinture de montagne qui entoure la plane campagne de Luc abaissa sous les pas des voyageurs ses premiers gradins. Les magnifiques villas des nobles lucquois se dessinèrent bientôt aux yeux du jeune homme, avec leurs amphithéâtres de verdure et leurs guirlandes de pampres verts courant d'un peuplier à l'autre. Puis les colonnades de marbre et les frais casinos, et les blanches rotondes qui se détachaient sur le noir des cyprès et le vert sombre des peupliers. C'était un spectacle à passionner un œil d'artiste, une âme de poète. Et le jeune homme était tous les deux, car à cet âge, les deux muses étaient sœurs. Un Michel-Ange, un Léonard, prêtre de deux religions, des servants de deux cultes, peignaient à la fois de la plume et du pinceau. Parmi toutes ces villas, riches à la fois des prestiges des arts et des pompes de la nature, étalées en éventail sur les couves verdoyantes de ses coteaux, la villa Olivesi se faisait remarquer entre toutes les autres par le luxe grandiose de ses jardins et la chaste et nue simplicité de ses portiques. Le jeune homme, en entrant, fut frappé de cette recherche de bon goût qui sentait à la fois l'artiste et le grand seigneur. Son admiration redoubla encore en pénétrant dans les appartements. Ce n'était pas de la richesse, c'était plus et mieux qu'elle. C'était ce luxe de simplicité exquise et raffinée qui fait dédaigner la matière pour la forme. Le dernier meuble du salon était en harmonie avec l'ensemble. Point de disparate, point de dissonance dans ce merveilleux concert de tous les arts, dans cette enivrante atmosphère, où le goût et la poésie se respiraient par tous les pores. Penny atteignit enfin le dernier et le plus retiré de ces salons, qui, suivant l'usage d'Italie, est le séjour de prédilection des maîtres du logis. À l'approche du jeune homme, à son nom prononcé tout haut par un domestique, le vieux marquis se leva d'un divan de velours et s'avança cordialement vers lui. Une femme restait assise. Le peintre, tout en répondant aux avances du vieux dilettante, jeta à la dérobée sur cette femme un regard timide et curieux. Oh surprise, oh joie, c'était elle, c'était sa danseuse, la fresque d'Herculanum détachée vivante de la muraille. C'était son idéal enfin, celle qu'il avait rêvée pour son modèle, pour sa muse. Car une ambition d'artiste osait bien aller jusque-là. Une espérance timide de jeune homme n'osait pas se hasarder plus loin. « Cara Marquesina, dit le marquis en s'avançant vers elle, permettez que je vous présente un de mes meilleurs amis, quoique notre amitié ne date que d'hier soir, le signor Luca Penny, jeune peintre auquel je ne connais qu'un défaut, celui d'être trop découragé de lui-même. » Aucune réponse ne sortit des lèvres rosées de la signora, mais elle jeta sur le peintre un de ses regards vivants, de ces regards qui ont une âme et un corps pour ainsi dire et que nous sentons passer sur nous. Elle ne parla pas, mais son cou, svelte et gracieux comme celui d'un cygne, s'inclina légèrement, et un sourire enchanteur remplaça sur ses lèvres le mot de bienvenue qu'elle ne prononça pas. Deux grands yeux d'un bleu presque noir, et entourés d'un léger cercle brun qui semblait les agrandir encore, arrêtèrent sur lui un regard long et caressant qui semblait dire « Je le connais, nous ne sommes pas étrangers l'un à l'autre. » Du reste, point d'embarras, point de trouble dans les pensées que trahissait ce regard. Il n'y avait ni feinte ni mystère, rien que la pudeur la plus chaste eût à désavouer, rien dont pût s'alarmer la jalousie la plus défiante. Un étrange sourire empreint de finesse et de bonhomie tout ensemble errait sur les lèvres du vieux marquis. On eût dit qu'il était fier de l'impression que produisait la marquise sur le jeune enthousiaste, qu'il en jouissait comme un amateur qui met un juge, un rival en face de son plus beau tableau, et lui dit, de cet air d'ineffable triomphe que des paroles ne peuvent peindre, « Qu'en dites-vous ? » « Eh bien, jeune homme, » dit le vieux dilettante après quelques instants du silence le plus expressif, « je vous avais promis un modèle. Êtes-vous content de celui que je vous ai trouvé ?» Le jeune homme ne répondit pas, perdu qu'il était dans une muette extase. Mais un éclair brilla dans ses yeux, et cet éclair, c'était celui du génie. Il se sentait peintre, son heure était venue. Il avait trouvé une voie pour ses pensées d'artiste qui se pressaient, vagues et incomplètes, dans son sein. Il saisissait, il touchait enfin une de ces formes ravissantes qui, depuis 10 ans, flottait sans cesse devant ses yeux, insaisissable et confuse. S'il eût eu sous la main une palette et ses pinceaux, il eût répondu au marquis en se mettant de suite à l'ouvrage, en s'emparant pour le transporter vivant sur la toile de ce modèle qu'on lui prêtait déjà. Déjà, il le sentait, ce modèle lui appartenait, il était à lui. On l'eût éloigné de ses yeux qu'il l'eût copié de mémoire, tant ce regard, cet unique regard, l'avait gravé dans son âme en traits qui ne devaient plus s'effacer. Quant à la marquise, il eût été difficile de définir aussi exactement tout ce qui se passait en elle. C'était un de ces caractères de femme qui ne livrent rien, où il faut tout deviner. Un de ces livres fermés où l'œil ne peut rien lire, peut-être parce qu'il n'y a encore rien d'écrit. Chez elle, la vie se passait tout en dedans. C'était Galatée déjà animée, mais avant que le marbre eût encore rien trahi. Noble et sans fortune, mariée très jeune au vieux marquis qui l'avait vu naître et qui avait été pour elle un père avant de songer à être un mari, sa vie, comme un arbuste étiolé, se fanait lentement dans cette espèce de serre chaude où l'air manquait, l'air vivifiant et pur que les passions ont animé de leur souffle. C'était un tableau, une belle statue de plus dans la collection du vieil amateur. Pour lui, avoir sans cesse sous les yeux un des plus parfaits modèles de la forme humaine, s'enivrer à chaque instant du jour de cette poésie calme et harmonieuse qu'éveille la vue d'un beau visage, c'était assez. Il ne demandait rien de plus à la pauvre Gelsomina. Et c'est à peine si celle-ci savait qu'on put ou demander ou donner quelque chose de plus. Usée, saturée de jouissances qui n'avaient pas toutes été aussi désintéressées, le vieux dilettante n'existait plus que par les yeux. Et celle qui faisait de sa vie d'artiste une fête de tous les jours, celle qui avait daigné poser, jeune et poétique modèle, devant les derniers enthousiasmes d'un artiste et d'un vieillard, celle-là était pour lui plus qu'une femme. C'était une fée, une muse, une sylphide. C'était son dernier lien avec une vie dont, vieil enfant, il savourait encore les derniers délices. Ainsi, dans cette tête exaltée que 70 hivers n'avaient pas refroidie, tous les cultes, toutes les mythologies étaient mises à contribution pour trouver un emblème à sa dernière passion ici-bas. Ce n'était pas trop de toutes les affections les plus pures, y compris celle d'un père, pour payer le sacrifice que lui avait fait cette femme en s'attachant, jeune et pleine de vie, à ce cadavre passionné dont les yeux seuls n'étaient pas morts. Sacrifice immense, dont la pauvre Gelsomina ne sentait pas elle-même toute l'étendue, et que le marquis tâchait de récompenser par tous les soins, toutes les attentions, tous les dévouements dont on peut entourer une femme jeune et aimée. Pauvre marquise, elle appréciait ce dévouement. Elle en était touchée sans en pénétrer la cause. Elle s'efforçait de jeter tout ce qu'elle pouvait de bonheur, elle qui ne soupçonnait pas encore ce que le bonheur pouvait être, sur ces derniers instants d'une vie qui s'éteignait doucement au milieu des arts qui l'avaient charmée. Elle-même, née en quelque sorte au milieu de cette atmosphère artiste, était digne de la respirer. Cette flamme qui couvait en elle s'était jetée, faute d'aliment, sur le chaste enthousiasme des beaux-arts et de la poésie. Elle trompait son époux, elle se trompait elle-même, avec ses jouissances pures et passionnées qui comblaient le vide de son âme, et l'abusait sur toutes celles qui lui manquaient encore. Cependant, il faut le dire, quand le marquis, faisant les honneurs de sa femme comme il l'eût fait du plus beau morceau de sa galerie, l'offrit pour modèle au jeune peintre, un léger dépit plissa ce front lisse et pur où chaque émotion laissait sa trace. Une vive rougeur colora ses joues un peu pâles, que sans elle, on eût pu prendre pour du marbre. Mais cette légère impression disparut bientôt. Gelsomina rougit encore une fois, mais d'avoir laissé percer au dehors une de ces pensées de vierge qu'on ne découvre, comme la perle, qu'en plongeant au fond d'un cœur de femme, et suivant, gracieuse et résignée, l'homme assez malheureux pour ne voir en elle qu'un modèle, elle s'achemina avec les deux artistes vers les jardins de la villa, dont le marquis voulait faire les honneurs à son hôte, après les avoir faits de sa femme. Nous n'en ferons pas la description. Rien ne ressemble moins à un jardin français qu'une villa italienne, du XVIe siècle surtout. C'est un mélange de nature et d'art, un luxe de végétation et de statues, une profusion de terrasses et de portiques, où l'art de l'architecte a plus à faire que celui du jardinier. Qu'il suffise de savoir que le génie novateur du marquis avait devancé le goût de son siècle, et réalisé dans ses jardins quelques-unes de ses pompeuses merveilles, dont Versailles, Boboli à Florence et la Villa d'Est à Tivoli donnent l'idée la plus complète. Une rotonde, surtout, se faisait remarquer, entre autres, par son style profondément italien et les contours chastement harmonieux de sa colonnade de marbre. Elle occupait le centre d'un de ces larges amphithéâtres de gazon qui, comme celui de la Villa Borghese à Rome, imitent ou veulent imiter le Colisée ou l'amphithéâtre de Vérone. Le marquis y conduisit son hôte. Celui-ci, préoccupé de toute autre chose que ce qu'on voulait lui faire admirer, n'avait Dieu que pour voir la forme élégante de la marquesina glisser comme un cygne sur ses gazons qu'elle effleurait à peine. Tantôt se jouer, naïve et folâtre au milieu de ses massifs de verdure, distraite, comme un enfant, par un papillon qui croisait son chemin, tantôt, se rappelant sa dignité de femme, revenir sérieuse et pensive, effeuillant la fleur qu'elle avait cueillie et rougissant de ses innocents plaisirs. Le jeune homme la dévorait des yeux. À chaque instant, mille poses voluptueuses et chastes la présentaient sous une forme nouvelle. Mille grâces natives jaillissaient à chacun de ses gestes. À la regarder seulement, l'enthousiasme, l'inspiration, le talent entraient chez lui par tous les pores. Allez-vous croire, pour cela, qu'une seule pensée profane se mêlât aux chastes admirations de l'artiste? Vous connaîtriez mal une âme de poète. Non, Penny était peintre avant tout, profondément peintre. Enthousiaste de son art, il eut craint de flétrir par un sentiment plus vulgaire les chastes et poétiques émotions que cette gracieuse créature lui inspirait. L'aimer, l'aimer d'amour, elle qui allait le faire peintre, elle qui était pour lui bien plus et bien mieux qu'une femme, un peu plus qu'un ange, un peu moins qu'une madone. Penny y songeait bien vraiment. Il eût cru commettre un sacrilège envers ces deux religions, la peinture et le christianisme. Cependant, ils étaient entrés dans cette rotonde soigneusement fermée, comme si elle cachait quelque important mystère, quelque chef-d'œuvre, isolé comme la Madeleine de Canova au milieu de son sanctuaire. Mais, au grand étonnement du jeune homme, quand le jour pur d'Italie entra à flot par une de ces larges croisées que le marquis venait d'ouvrir, il n'aperçut que des murs blancs, dont le gypse lisse et poli semblait attendre les chefs-d'œuvre qu'un Michel-Ange à venir y déposerait un jour. Un religieux pressentiment saisit le peintre, comme à l'aspect de sa gloire à venir. Il comprit, par une sorte d'instinct, ce que voulait de lui le marquis et de quel prix il lui ferait payer son généreux patronage. « Voyez-vous ces murs blancs, jeune homme ?» dit le vieux dilettante d'une voix grave. « C'est votre toile. Il faut que d'ici un an, elle soit recouverte de chefs-d'œuvre. Et voilà votre modèle, » ajouta-t-il en se retournant pour montrer la marquise. Mais elle avait disparu. Était-ce modestie? Était-ce orgueil? Voulait-elle protester contre le rôle qu'on allait lui faire jouer? Nous n'en savons rien. Mais l'enthousiaste Penny s'aperçut à peine de son absence. Il resta 3 heures avec le marquis dans la rotonde. Quand ils en sortirent, les fresques vivaient déjà dans la pensée de l'artiste, et le marquis les avait vues. Le vieux dilettante pouvait s'applaudir du contrat qu'il venait de passer. Il était sûr de gagner au marché.